Wonka. D'ex-passif que soviétique. On garde tribal et l'éthique. Suis ton pouce, m'y mette étiquette. T'en as foutu de ton bon pic. Il veut bien mon biopic. Mon nom dans le générique. Mais toujours dans l'ironie. Zinvesti devient très vite. M'y écoute classique. Ton bitch vient dans la remise. Pas le temps déchire son chemise. Vérité de clan il divise. Dans le 3 points contrôle le coupé en convoi nous quadrille la route. 5 feuilles miel sur le reterrasse. Ton pas pour le temps là. Miro dans ras. Sauvé paf dans la carocane. Tant pis si vous change de bail. Le blé, la poche, les larges. Dans le studio la dope me cache. Ravage l'équipe lui prend le large. Sourum vanille dans la cour m'y marche. Tiens deux rouleaux dans un boîte aux lettres. Soleil il pète et la scène les trash. Zero fuckboy avec nous. Fais des îles zones avec nous. Mélange molécules chimiques. Dans le carvin nous pied de la raison. Elle nous appelle en visio. Cristal en 3 dimensions. Mi compta ou un histoire. Toute cette mi voix en vision. Briser les colonnes. Fouetter les colons, briser les blesses. Briser les colonnes, briser les blesses. Fouetter les colons, briser les blesses. Briser les colonnes, blesses. Briser les colonnes. Hey. 900 000 habitants, mais je suis seul sur mon île. Je me sens seulement vivant quand je m'insère dans son beat. Je m'entraîne à tirer en écoutant Michel Berger. Je m'entraîne à prier, mais je ne sais rien me protéger. Petit déjà, je rêvais de partir loin de tout. Je pense à l'au-delà. Je pense à l'au-delà. En déposant mes enfants sur ses joues, j'aurai sûrement des réponses à de ses joues. Utilise la drogue comme un jour. Le temps passe, je repense à Xerxes. Wake up sous anatomie féminine. Encore en ville, les dégâts sont minimes. Une vie humaine vaut à peu près 10 000. Je crois ni en Dieu ni aux formes chimiques. Né au prophète, aucun apôtre. Raconte pas ta vie ni la note. L'homme est mauvais, à qui la faute? Donne-moi leur salaire, prends mon droit de vote. Repère un mensonge en un clin d'œil. Je fais la même chose, c'est imperceptible. Réunion de famille, je me sens bien seul. Arme de guerre ne touche aucune cible. Dessine pentagram dans toutes tes bides. Je vois de la beauté dans toutes tes rides. J'ai craché le feu, mais elle reste humide. J'ai craché le feu, reste humide.